cette conférence au nom du Centre de l'Universalité. Avant de débuter, j'aimerais vous faire part de ce que je viens d'apprendre au cas où il y aurait des gens qui seraient dans la même situation que la mienne. J'ai soupé au restaurant à côté, j'ai laissé ma voiture là, et apparemment ils veulent la tower. Ça fait que si des fois il y a des gens qui ont laissé leur voiture dans le stationnement du restaurant à côté, il serait préférable d'aller l'enlever avant qu'ils la remorquent. Vous avez seulement qu'à voir puis un Joinville à la porte. Je vais y aller. Enfin, hein, dans la fin là, hein? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ce vendredi soir et surtout souper à côté. Alors, Daniel, le titre, c'est l'éducation de l'enfant nouveau. Je sais que tu as fait quelques conférences sur l'enfant nouveau depuis les quelques années que tu es au centre. Si brièvement tu faisais une description de ce que tu entends par enfant nouveau. Bon, brièvement, c'est un peu complexe. On va faire trois descriptions brèves. La première, c'est au niveau du facteur génétique. L'enfant nouveau est un enfant qui vient au monde et qui a des caractères dominants de ses lignées familiales. C'est un enfant qui va donc exprimer et transmettre biologiquement, c'est-à-dire surtout neuroniquement et endocrinalement, des caractères que ses parents n'ont pas de façon dominante, mais qu'ils ont de façon récessive. Autrement dit, on a des parents qui ont les cheveux blonds, la mère et le père, et ils peuvent avoir des enfants qui auront les cheveux roux. Pourquoi? Parce que, là, deux ou trois ou quatre générations avant eux, quelqu'un dans la famille avait les cheveux roux. Donc, depuis deux ou trois générations, les parents n'ont pas, la famille n'a pas aucun individu qui a les cheveux roux, et à un moment donné, on a un enfant qui a les cheveux roux. On va dans les pays d'Amérique latine, et puis on peut découvrir, à un moment donné, des individus, des enfants qui viennent au monde, qui ont la peau blanche, qui ont les cheveux blonds, qui ont les yeux bleus, et qui ont un corps physique identique au corps de la race indo-européenne, c'est-à-dire soit, disons, britannique ou française. À travers des familles qui sont plutôt brun-noir, qui ont faciès, soit inca mélangé avec espagnol. Alors, il y a de cela très très longtemps, donc 10 ou 15 générations, des mélanges entre blancs. Et ces mélanges-là ont été cachés par des caractères récessifs au niveau de la génétique. Et après un nombre dont relatif de générations, les enfants qui les parents qui ont ces caractères-là se mélangent entre eux et finalement on a un enfant blanc à travers une coupe noire. Alors, donc, il y a déjà une mutation génétique à travers chaque individu qui vit. Il y a, à un moment donné, j'ai donné une conférence ici, pas une conférence, mais disons, une espèce de séminaire à des professeurs d'une commission scolaire. Et il y avait un professeur qui, lui, voulait que je lui prouve tout à partir de scientifiques. C'est-à-dire qu'il passait son temps à me dire où j'ai appris ça, où j'ai appris ça, où j'ai appris ça. Et lui, il parlait toujours en disant, bien, selon un tel, selon une telle, selon un tel, selon un tel. Autrement dit, lui ne savait rien, mais les autres savaient beaucoup de choses. Alors, il vient me dire, vois-tu, c'est tout à fait faux ce que j'amène, parce qu'il y a un professeur, un tel, en France, qui a prouvé que l'être humain ne mutait pas plus que 5% au niveau de son code génétique à chaque génération. Alors, si on prend une calculatrice et qu'on prend 5% de mutation à chaque génération, ça veut dire que si on prend 100%, donc une mutation totale de l'être humain, ça prend 20 générations. 20 générations, si la personne, à chaque 20 ans, met un enfant au monde, donc si je mets un enfant au monde, et quand elle a 20 ans, elle en met au monde, et souvent c'est faux si on recule dans le passé, ça veut dire 200 ans. Ça veut dire que lui, il dit que c'est tout à fait faux ce que j'amène parce qu'on n'a pas plus de 5% de mutation. Ça veut dire 200 ans. Ça veut dire que s'il aurait raison, et il a tort, c'est beaucoup moins que 5%, et je n'ai pas besoin de 5% pour prouver ce que j'amène. S'il aurait raison, ça veut dire que nous sommes totalement différents, totalement 100% différents des êtres humains qui ont vécu il y a 200 ans. Par contre, si on mettrait le facteur 0.5%, disons qu'il s'est trompé, ce n'était pas 5% que la personne avait déterminé, mais 0.5%, cela nous recule à 4000 ans en arrière. Ça veut dire que nous serions présentement absolument différents des êtres humains qui ont vécu il y a 4000 ans. Et 1,5%, l'humain mute de plus en plus que ça, mais quand même. Gardons notre 0,5%, on retourne il y a 4000 ans en arrière. Et 4000 ans en arrière, on est nécessairement dans l'ère pharaonique. Il y a eu des hommes bien avancés encore, parce qu'on peut remonter à 35000 ans en arrière. Alors, ça se fait. Première chose, donc, les parents ne peuvent pas reconnaître dans leur lignée familiale des caractères parce qu'ils sont toujours récessifs, donc ils ne paraissent pas. Et à un moment donné, ces caractères-là, par mélange génétique, vont donner un enfant neuf. Un enfant qui sera endocrinalement parlant différent, donc il ne pourra pas exprimer l'émotion comme le standard devrait l'obliger. Il ne pourra pas voir le monde et le goûter comme normalement les humains le voient. Il ne pourra pas réfléchir comme la majorité des humains le font parce qu'il n'a pas le système neuronique est différent et le système endocrinien qui permet l'expression des forces, des voies psychologiques, donc amiques reliées à l'âme ou astrale, est différent de l'humain standard, ce que j'appelle l'homme ancien. Première explication. Deuxième chose, l'enfant ancien est comme l'homme ancien ou l'enfant nouveau, comme la femme nouvelle. C'est un être humain. Alors, si on laisse tomber le facteur génétique, c'est un être humain qui ne peut pas s'adapter à une structure traditionnelle. Alors, nécessairement, plusieurs personnes vont dire oui, mais on a toujours eu des enfants qui, dans l'Antiquité, étaient rébarbatifs aux structures traditionnelles, aux structures imposées. Tout le monde se rappelle, quand ils étaient jeunes, ils n'aimaient pas l'école. Bon, certains aimaient l'école, c'était des enfants très anciens, mais la majorité n'aimait pas l'école. Et la majorité n'aimait pas la loi. Il y a eu des moments de révolte, soit des moments de révolte violente ou agressive, ou des moments de révolte psychologique, émotive, simplement, où tu t'enfermes dedans ta chambre, où tu vas te cacher derrière la grange, où tu essaies de violer l'autorité en sortant avec un gars ou avec une fille à 17 ans, bon, à l'époque, là. Bon. Alors, et là, tu avais réussi un exploit. Alors, nécessairement, ce qui arrive, c'est que tout le monde a vécu cette partie de rébellion contre la tradition, pour la simple raison que l'enfant est d'instinct neuf, donc il est instantané, et plus il va évoluer, plus il va devoir s'adapter à une tradition morte, c'est-à-dire aux choses déjà établies qui proviennent du passé. La nuance entre l'enfant nouveau et l'enfant ancien, les deux sont rébarbatifs, les deux ont de la difficulté à s'adapter. L'enfant ancien, on va arriver à le déformer suffisamment pour l'adapter. L'enfant nouveau, il va se suicider, il va devenir violent, mais on ne pourra pas le déformer pour l'adapter. La nuance majeure, c'est que l'enfant nouveau, il est révolté et il va le rester à moins que les choses changent. L'enfant ancien est révolté, mais il va finir par s'adapter à force de taper dessus. Bon, on appelle ça éduquer, là. Il y a bien des manières de taper sur un enfant. Soit en le culpabilisant, soit en le punissant, soit en le battant, soit en lui donnant des cadeaux, soit en tout cas, il y a bien des façons. Alors ça, c'est la deuxième explication. L'enfant nouveau est un être qui n'est pas déformable, donc on ne peut pas l'éduquer selon la convention. Nécessairement, il sera un mésadapté social, pour la simple raison que la société est un mésadapté infantile. La société ne peut pas s'adapter aux enfants. Troisième explication brève, l'enfant nouveau a un facteur génétique neuronique qui lui permet d'avoir accès à un savoir instantané, donc à une conscience supramentale, donc à de l'intelligence active, ce que antiquement dans l'ancienne théologie on appelle l'Esprit Saint. L'enfant ancien n'a pas ce facteur, il peut le développer par mutation, donc par cellularisation au cours de sa vie, mais il ne l'a pas à la naissance, c'est-à-dire que ses parents ne lui ont pas laissé. Donc génétiquement, l'enfant nouveau est différent de l'enfant ancien par son système endocrinien et son système neuronique. Deuxièmement, l'enfant nouveau n'est pas brisable. Il n'est pas cassable, on ne peut pas le reformer pour l'adapter à la société. Et troisièmement, l'enfant nouveau est capable de savoir des choses sans les avoir expérimentées, ce qui va souvent faire dire aux parents, mais où c'est qu'il prend ça? Voilà l'enfant nouveau. Maintenant, ça, c'est une description adaptée à l'enfant d'aujourd'hui. Ouais, il y a une quatrième description, disons que l'enfant nouveau, c'est un sans-cœur, c'est un hypocrite, c'est un violent, c'est un imbécile, c'est un décrocheur, c'est un danger public, c'est un incompétent, c'est... On peut mettre le parent émotif ou le pédagogue émotif peut donc rajouter toutes ces choses-là. C'est un hyperactif, ça va de soi. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit tout ça? C'est pas nécessaire que ce soit tout ça. Il est nécessaire qu'il soit rien. Sauf que dans la majorité des cas, il vivra la majorité de ces symptômes-là. Bien évidemment, l'éducation ou encore, disons, la mal-éducation peut obliger un enfant hyperactif à devenir hyper enfermé. Alors on va dire, ouais, mais le mien, il n'est pas hyperactif. Non, c'est sûr. Mais donc, il y a une manière de brimer ces expressions-là. Faire attention quand on parle violent. Un enfant nouveau n'est jamais violent. Comme j'expliquais à un moment donné, il y a une personne qui rentre dans la maison et elle regarde l'enfant et elle dit « Ah tiens, bonjour grand nez. » C'est l'enfant grand nez. L'enfant nouveau, il répond « Bonjour grande dent. » Elle a des grandes dents. Alors on va dire « L'enfant, il est bien mal élevé. » Il répond comme ça à sa tante. Bien, il est violent. Du point de vue de la tante, du point de vue des parents. Il est mal élevé, on tape dessus. Alors il y a ce genre de choses où, par exemple, comme je le donne souvent, bon, un adulte renverse un verre sur la table. Il y a un accident. L'enfant renverse un verre, on le chicane. Un enfant nouveau, nécessairement, il va devenir agressif. Parce qu'il n'y a aucune justice, c'est absolument imbécile, c'est stupide, c'est illogique. Alors, nécessairement, il va être violent. Mais il n'est pas violent de nature. Mais c'est la société. Si tu es entouré d'ennemis qui veulent te tuer, tu tueras. Et tu es un tueur. Grosse question. OK. Ça, c'est l'enfant d'aujourd'hui, l'enfant nouveau d'aujourd'hui. Mais là, 100 ans, il y avait des enfants nouveaux. Est-ce qu'on peut établir un parallèle, Daniel, avec les enfants? Oui. Bon, évidemment, dans l'Antiquité, les enfants nouveaux étaient des ectopicités, c'est-à-dire que c'était des exceptions. Exactement comme on a une tribu de Pidjanjara, par exemple, une tribu d'Autochtones qui vivent en Australie, donc qui ont gardé une certaine forme de tradition évolutive relativement archaïque. Et à travers cette tribu, à un moment donné, ce qui peut arriver, il peut arriver qu'un enfant naisse et cet enfant sera plus brillant que tout le monde. Cet enfant sera plus génial que tout le monde. Cet enfant deviendra finalement un chef, un très grand chef, même un très, très grand chef. Alors, si on regarde, donc, cet enfant est un enfant nouveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas su s'adapter à ce qu'il y avait là. Mais étant donné l'impuissance psychologique de la tribu dans son schéma d'évolution, l'enfant qui est nouveau dans cette tribu-là, nécessairement, sera capable de dominer tout le monde. Alors, il changera tout. Il ne se suicidera pas parce que, finalement, il aura la puissance de tout changer. Étant donné qu'il va tout changer, et là, on revient encore au facteur génétique, justement, comment ça se fait qu'une tribu, disons, de personnes Prenons un village d'imbéciles va être capable d'engendrer des génies. Mais un génie de temps en temps. Tandis qu'un village de génies, de temps en temps, engendrera un imbécile. C'est le facteur mathématique génétique. Mais la seule nuance qu'on a aujourd'hui, c'est que, étant donné qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transmissions récessives de ce facteur, qu'on appelle l'enfant nouveau, eh bien, aujourd'hui, c'est collectivement plus massif. Il y a un enfant nouveau sur deux qui vient au monde, au Québec surtout, alors que dans l'Antiquité, c'était un enfant nouveau par ethnie, peut-être par année ou par 10 ans même. Alors, on a eu plusieurs enfants nouveaux ou hommes nouveaux, femmes nouvelles dans le passé, qui ont su travailler suffisamment contre ce qui était déjà instauré là, contre les sociétés traditionnelles, pour les changer. Plus on a avancé vers notre temps, plus on a eu de problèmes en tant qu'enfant nouveau ou en tant qu'homme ou femme nouvelle à s'exprimer. Alors, lorsqu'une personne avait l'intuition réelle que la Terre était ronde, eh bien, il y avait nécessairement toute la tradition qui était contre lui, et la tradition, elle avait su à l'époque s'allier avec les gouvernements. Donc, la tradition avait le droit d'avoir ses armées, c'est-à-dire qu'on avait l'Inquisition, et nécessairement, à cette époque, aller jusqu'à, pas tellement longtemps avant aujourd'hui, c'était extrêmement pénible d'être une personne nouvelle pour la simple raison que c'était illégal. On te tuait, ou on te mettait en prison, ou on te lobotomisait, parce que dépendant des époques, il se passait de quoi. Alors, le parallèle est le même. Aujourd'hui, c'est un peu plus frappant parce qu'il y en a beaucoup plus. Et étant donné que la société est extrêmement structurée pour empêcher le neuf de naître, le neuf peut naître. La société, elle accepte le neuf à sa façon. Elle va établir les lois, elle va coordonner. Exactement comme lorsque l'on donne un jeu instructif, un jeu éducatif à un enfant. On permet à l'enfant d'apprendre en s'éduquant avec un jeu, mais dans les paramètres du jeu. Hein? Faut pas qu'il déborde du jeu. L'enfant qui, on lui donne un jeu éducatif, qu'il faut qu'il mette des blocs dans des trous, un jeu éducatif. Bon, il apprend la sexualité peut-être, je sais pas, en tout cas, il remplit des trous. Bon, l'enfant, il joue avec son truc, mais la journée que l'enfant décide de manger ses blocs, alors on le chicane. Il peut pas exprimer comme il veut. Dans les cadres du jeu, ça va, mais pas au-delà du cadre du jeu, on appelle ça instructif éducatif. Alors avant, lorsqu'on était plus jeune, nous autres, il n'y avait pas de jeu éducatif. Il fallait qu'on ramasse ce qu'on pouvait, puis on bâtissait. Ça, c'était éducatif, on créait. Alors que maintenant, on peut créer en fonction de l'assemblage du jeu. Puis quand tu décides de mettre le feu dedans, on te chicane. Quand tu décides de l'échanger, on te chicane. Quand tu décides de... Alors finalement, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus pénible. En plus, on a aujourd'hui un facteur intéressant, c'est qu'il y a énormément de confort et de luxe. Et le jeune a la possibilité par la télévision, la radio, les journaux, les livres, de connaître un peu le confort et le luxe, l'apparente intelligence qui peut être exprimée partout ailleurs sur la planète. En même temps, il y aura la contradiction évidente entre les malheurs majeurs exprimés sur la planète. Donc, un jeune qui naît dans un milieu pas suffisamment riche ou relativement pauvre, eh bien, lui, le jeune nouveau, ne veut pas aller à l'école. Il n'aime pas tellement faire les sports collectifs. Bon, il va finir par se collectiviser vers l'âge de 14, 15, 16, 17 ans, ou peut-être un petit peu avant, finalement, pour essayer d'oublier ce qu'il est. Parce que l'enfant nouveau, bien souvent, il voit qu'il est différent, mais il est encore assujetti à l'éducation qui l'oblige à être normal. Pour lui, c'est plus important d'être normal que d'être lui. Alors, nécessairement, il va tout faire pour soit se droguer pour arrêter de réfléchir, soit boire, prendre de la boisson pour cesser de réfléchir, soit écouter de la musique régulièrement pour cesser de réfléchir, soit être en grosse gang et faire des mauvais coups pour cesser de réfléchir. Mais une chose certaine, c'est qu'il fuit sa réflexion parce qu'elle est toujours en train de lutter contre des contradictions amenées par les adultes. En d'autres mots, il y a énormément de difficultés à s'adapter à la société. Non, il n'y a pas énormément de difficultés. Il ne peut pas s'adapter à la société. L'enfant totalement nouveau ne peut pas. Ne peut pas. Par contre, plus vite. Du cadre, justement, exactement. Des plus vite on tape nouveaux, dessus, Oui, c'est ça. S'il y a des parents nouveaux, à l'intérieur d'un cadre. Chez des parents nouveaux, l'enfant ne s'adaptera pas au cadre, mais il va adapter le cadre. Alors, nécessairement, chez des parents nouveaux, il va apprendre. Et c'est d'ailleurs ça l'éducation de l'enfant nouveau. D'ailleurs, c'est un thème qu'on aborde ce soir parce que la conférence n'est pas nécessairement axée sur l'éducation. La période de questions, on peut l'axer un peu mieux, mais c'est un thème. Au niveau de l'enfant nouveau, si on aurait des parents nouveaux qui s'occupent d'un enfant nouveau, nécessairement, les parents nouveaux acceptent immédiatement d'apprendre de leur enfant. Donc, un parent nouveau qui fait des conneries, si l'enfant lui dit, le parent nouveau, oui, effectivement, il a raison. Le parent nouveau accepte d'être éduqué autant par son enfant que par lui. Pourquoi? Parce que l'enfant nouveau est suffisamment logique, comme l'enfant ancien, sauf que l'enfant nouveau ne sera pas déformable, c'est avec la nuance. Lorsque le parent fait des erreurs, lorsque le parent a dit certaines choses et qu'il se contredit même 2 ans après, nécessairement, l'enfant nouveau va lui ramener. Et là, le parent ne doit pas toujours penser que l'enfant est une cruche à moitié vide qu'on doit remplir et que l'enfant est finalement un ver de terre puis que l'enfant pourrait se mêler du monde des adultes. L'enfant nouveau ne peut pas tolérer le fait que les adultes sont toujours en train de mettre leur nez dans le monde des enfants, alors qu'un enfant n'a absolument aucun droit de parler dans le monde des adultes. Surtout, plus il connaît l'adulte, moins il a le droit de parler. Alors, nécessairement, l'enfant nouveau n'a pas le droit de parler à ses parents. Quand je parle par là à ses parents, il n'y a pas le droit de dire à ses parents quoi faire et quoi ne pas faire. Alors que les parents sont toujours dans les pénates de l'enfant nouveau. Et on a donc ce genre de choses. Si les parents sont nouveaux, nécessairement, ils vont monter l'enfant nouveau contre la société. Et ça, on n'a pas le choix. Moi, si quelqu'un veut que je rencontre un jeune, par exemple, et que le jeune a apparemment des problèmes, parce que bien souvent, c'est les parents qui ont des problèmes, c'est pas les enfants. Hein? Hier, à la radio encore, il y a des personnes qui téléphonaient qui disaient « Moi, là, j'ai un problème avec ma fille. » Ah bon? Votre fille n'a pas de problème. Vous avez un problème avec votre fille. Non, c'est qu'en réalité, les parents pensent toujours qu'ils ont un problème. C'est l'enfant qui a un problème, pas les parents. Et encore, quand l'enfant a un problème, l'enfant n'a peut-être aucun problème. La mère ou le père en a un parce que l'enfant n'est pas standard. Nécessairement, il risque d'exprimer, les voisins et l'extérieur peuvent penser que les parents ne sont pas corrects. Alors, on a un problème avec notre enfant. Et mon enfant sèche ses cours, j'ai un problème avec lui. C'est lui qui a un problème avec les cours. Toi, tu n'as pas de problème avec lui. Est-ce qu'il te bat? Est-ce qu'il te mord? Est-ce qu'il te verse de l'encre sur la tête quand tu dors? Non, tu n'as pas de problème avec ton enfant. Il n'y a pas de problème avec l'enfant. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui ont écouté. Mais ils ne feront pas ça. Ça pas fou. Alors donc, comment on éduque un enfant nouveau? Premièrement, on le monte contre la société. Bon, ça va de soi. Moi, quand je rencontre un enfant, si je le monte contre la société, je m'en fais un allié. L'enfant, comme j'expliquais à un moment donné, ma fille qui trouvait que son directeur d'école était stupide, que son directeur d'école la niaisait. Jusqu'au jour où j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il ne la niaisait pas, il était niaiseux. Et c'était pas pareil. Et vu qu'il est niaiseux, nécessairement, il est niaiseux. Il n'a pas l'intelligence de la niaiser, il est niaiseux. Alors, c'est pas pareil. Depuis ce temps-là, ben là, elle cesse d'être frustrée quand il vient lui parler. Et effectivement, il est niaiseux. Bon, il est directeur d'école, mais il est quand même niaiseux. Bon, en plus de rien connaître des enfants, il est niaiseux. Alors, nécessairement, ma fille, lorsqu'elle a compris ça, elle a arrêté d'être frustrée à son contact. Il y a des êtres humains qui sont parlants, il y en a. Pas péjorativement, mais génétiquement, bon, mais éducationnellement, de plusieurs façons, il y a des êtres humains qui ne sont pas efficaces dans le domaine où ils sont placés. Alors, lorsqu'on vient parler à un enfant qui est intelligent, on lui dit, bon, on va faire une révision aujourd'hui de ce qu'on a vu la semaine dernière. Puis les enfants ont tout gobé ça en 5 minutes, puis là, en plus, le prof a passé le reste de l'heure à en parler. Là, il vient faire une révision en plus. Ben après ça, « Hey, t'écoutes pas! Hey, tu dors! Hey, tu... » Ben oui, c'était bien évident. Alors, il y a énormément de choses. Quand un enfant pose une question à un adulte, « Pourquoi dois-je faire ceci? » Bien souvent, l'adulte n'a aucune réponse. Ben parce que c'est ça qu'on fait. C'est ça que tu fais. T'as, pas moi. Ben parce que c'est les règlements. C'est les règlements d'école. Ça, c'est la meilleure chose, ça. Ça, les règlements d'école, c'est absolument génial. Moi, on me téléphone pour me dire, « Votre fille n'est pas rentrée à l'école, puis on l'a vu s'en aller avec un autre. » Fait que on ne veut pas l'avoir vendredi. Lundi, si elle veut revenir, elle doit avoir un papier signé de vous comme quoi elle était malade. Sinon, elle ne revient pas à l'école. Ah bon? Alors, ils veulent que je leur compte une menterie. Aucun problème. Moi, je leur ai fait un papier comme quoi elle était malade. Non, je leur ai fait un papier comme quoi elle était malade. Je suis pas malade, moi. Alors, mais l'enfant, c'est bourré de contradictions. Donc, on monte l'enfant nouveau contre la société. Ça, c'est essentiel. Quand je dis on le monte... Mais ça, Daniel, on a connu ça à une échelle peut-être moindre qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le passé, ça s'est produit, disons, dans les... Exactement, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, mais c'est... Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Si on regarde entre 1800 et 1900, la quantité de connaissances scientifiques qui s'est accumulée, la même quantité a pris 50 ans, je pense, ou 25 ans, entre 1900 et 1925. Là, on est rendu que ce que ça prenait un siècle pour accumuler, ça prend... Je ne sais pas si c'est 12 mois ou 17 mois, quelque chose. Donc, il y a eu une vague de naissances nouvelles. Est-ce que, justement, ça, c'est dans l'évolution de la planète Terre, l'évolution de la science. Est-ce que dans l'évolution de l'homme, on peut parler du même rythme ou un parallèle quelconque? Bien, premièrement, il y a eu une vague de naissances d'enfants nouveaux qui ont amené vers 1935 la réunion d'un paquet de génies sur la planète en même temps. À l'époque d'Albert Einstein, à l'époque de tous ceux qui ont travaillé à la fabrication des bombes nucléaires, à l'époque d'un paquet de personnages allemands, etc. Alors, il y a eu une vague. Par la suite, ça s'est calmé. Et c'est normal parce que les mutations génétiques dans des espèces, que ce soit au niveau animal ou au niveau humain, se font. Il y a des précurseurs. Il y a des vagues qui sont précursistes. Et par la suite, on a lentement l'instauration graduelle, mais là, implacable et sans retour du phénomène. Aujourd'hui, l'humain a donc un cerveau qui est plus puissant parce que justement, il a la faculté, à cause de ses médias d'information et de son système scolaire de soutien, système scolaire technique, d'avoir accès à plus d'informations. Donc, nécessairement, il développe son cerveau. Développant son cerveau, il en cellularise une partie et donnant naissance à des enfants, il donne donc aux enfants des cerveaux qui sont plus programmés. C'est-à-dire qu'être humain a des milliards de neurones dont la majorité ne servent à rien. Ils servent, mais pas comme on pourrait s'en servir. Mais lentement, l'être humain, par cellularisation, donc par codage génétique de son évolution, il met au monde des enfants qui ont accès à plus de neurones déjà à leur naissance, c'est-à-dire d'ici à l'adolescence, donc d'ici à la fin de la programmation neuronique. Alors nécessairement, il y a des parallèles que l'on peut faire. Et aujourd'hui, l'enfant, donc la majorité des enfants nés depuis 1972, avec des exceptions nécessairement qui datent de bien avant, mais parce qu'il y a des adultes qui sont relativement nouveaux. Ils ne sont pas nouveaux, pourquoi? Parce qu'ils ont été suffisamment pliés par l'éducation traditionnelle. Alors, il y a des parallèles que l'on peut faire, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas trop d'importance à faire de parallèles avec, avec l'ancien temps, pour la simple raison que le gros problème, le gros facteur aujourd'hui, c'est surtout l'enfant. Et si on regarde l'enfant tel qu'il est par rapport à la société telle qu'elle est, il n'y a pas de parallèle à faire avec le passé. Non, mais ce que je voulais en dire, c'est ceci. Je voulais en arriver au fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour tout individu de s'adapter au niveau de la science, parce qu'on apprend tellement, c'est-à-dire il y a tellement de nouvelles connaissances c'est faux. Qui sortent. Alors, l'enfant nouveau, ça ne serait pas la même chose? Non, pas c'est justement ça qui est l'affaire, c'est que ceux qui ont de la difficulté à s'adapter à la science sont des personnes à cerveau ancien. Oui, mais Daniel, la personne qui finit sa médecine, c'est déjà à recommencer. C'est déjà dépassé. Oui. Ça prend 6-7 ans à avoir ton diplôme de oui, médecine. Mais c'est déjà dépassé lorsque tu finis. Oui, la personne qui est nouvelle, qui finit son cours de médecine, elle n'aura jamais de problème à suivre le développement de la science. Prenons l'exemple des physiciens qu'on a eu à l'époque de 1935. Il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, mais ça va, c'est surtout les enfants qui vont le devenir. Évolution comme évolution, il n'y avait aucun problème. La personne, elle lisait de quoi, puis elle lisait, puis elle passait à un moment donné, arrivait à arrêter sur quelque chose, à partir rien, elle comprenait tout. Le livre était mis de côté, elle avait tout compris. Ça, c'est une personne à cerveau nouveau, une personne nouvelle. Mais nécessairement, si on fait référence à la majorité des adultes qui sont des personnes anciennes ou transitives, bien là, ça va de soi qu'on change d'ordinateur, et puis là, ils sont tous perdus. Bon, mais un enfant nouveau, lui, même s'il ne comprend pas les livres, même si les livres sont dans une langue qu'il a de la difficulté à lire, change d'ordinateur, il va avoir immédiatement les qualificatifs et ce ne sera pas long qu'il va s'y adapter. Sauf, évidemment, s'il a toujours été, si on l'a éduqué, à s'écraser devant les choses. Alors là, il sera peut-être suffisamment programmé pour aussi être impatient. Après 3-4 coups, si ça n'a pas marché, c'est pas bon. Okay. Explique de l'homme. Tu as mentionné Einstein tantôt. Einstein, t'as considéré comme un enfant nouveau lorsqu'il était jeune? Non, quand il était jeune, t'es considéré comme un fou, un imbécile, un décrocheur, un gars qui n'avait absolument pas l'esprit scientifique et une personne qui ferait mieux de faire de la musique avec son violon plutôt que de chercher à comprendre le monde. Beaucoup plus tard, il a été considéré, étant donné que les problèmes n'étaient pas réglés puis qu'ils ont tombé sur un petit livre d'Albert Einstein dont toutes les clés étaient dedans. Mais là, après, il était considéré comme étant un génie. Après. Alors, l'enfant nouveau d'aujourd'hui a le même problème qu'autrefois. Exactement. La nuance, c'est que l'enfant nouveau d'aujourd'hui, comme tout à l'heure je disais, c'est qu'à l'époque, Albert Einstein, il n'avait pas la possibilité de voir tout ce qui se ferait matériellement au monde et qu'il n'avait pas. Donc, il n'y avait pas de différence de potentiel entre ce qui était à l'extérieur et ce qu'il y avait chez lui. Sinon, il aurait souffert beaucoup plus. Prends Albert Einstein qui veut se concentrer pour prouver sa théorie de la relativité, disons la théorie restreinte, et qui apprend qu'il y a des ordinateurs, absolument génial qui pourraient l'aider, mais il n'y a pas l'argent pour l'acheter. Il faut qu'il continue. Il n'aurait pas vécu, il se serait suicidé. Ben non, il aurait fait du vol à l'étalage. Il aurait fait quelque chose pour avoir son ordinateur. Alors, l'enfant d'aujourd'hui, lui, qui a la même possibilité d'expression, mais qui, bien souvent, lui, est limité dans le cadre matériel parce que la société n'est pas bâtie intelligemment. Une société intelligente, ça donne tout ce que l'humain a besoin à l'humain. C'est pas compliqué, c'est ça que ça fait une société intelligente. Aujourd'hui, on a une société de consommation, une société de compétition, une société de colons. L'être humain est constamment obligé de se battre pour avoir les choses qu'il aurait besoin. Et nécessairement, ça crée un certain pep, on va dire « oui, mais c'est le même que c'est fait, ça va de soi ». L'enfant nouveau ne voit pas ça comme ça, lui. Alors nécessairement, faire un vol de banque pour aller chercher ce qu'il a besoin, ça devient logique. Et je suis d'accord avec lui, c'est logique. Il n'est que logique, mais logique. Alors, aujourd'hui, l'enfant nouveau va vivre un problème différent d'Albert Einstein, c'est qu'il aura une grande tendance à se suicider pour la simple raison que, vivre dans un monde absolument stupide, il va tomber sur un livre de la réincarnation, et la réincarnation, pour lui, c'est pratique. Tiens, il va me suicider, il va venir dans 2-3 000 ans. Peut-être qu'il va avoir réglé les problèmes d'imbécilité planétaire aujourd'hui. Alors, il se suicide. Et nécessairement, il y a un problème au suicide, c'est que les meilleurs partent. Mais ce qui n'est pas brillant. Tu fais souvent un parallèle entre le suicide et l'enfant nouveau. C'est encore là, c'est une question d'adaptation avec la société présente. C'est une question d'adaptation avec l'enfant nouveau présent. C'est la société qui devra s'adapter. C'est là, juste là qu'il y a la nuance. Et bien évidemment, bon, si on va écrire un livre, j'ai écrit à un moment donné une place. À chaque fois qu'un enfant vient au monde, la société n'est pas pour tout refaire ses principes pour s'adapter à l'enfant. C'est bien évident que l'enfant qui vient au monde devra subir une forme d'adaptation quand même. Pour pouvoir entrer dans une société, sinon ça n'aura plus de sens. À chaque fois qu'un enfant vient au monde, il faut qu'on repense notre société selon le critère de l'enfant. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'éducation telle qu'elle est actuellement, c'est la plus grande force motrice sur la planète pour empêcher l'évolution de l'homme. Bon, l'éducation permet à l'homme d'apprendre, mais ça ne permet pas à l'homme de s'améliorer. Étant donné que l'éducation ne permet pas à l'homme de s'améliorer, ben depuis qu'il y a l'éducation, l'homme ne s'améliore pas. Il y a toujours eu de l'éducation. Ce n'est pas depuis Charlemagne. Charlemagne a codifié le système d'éducation. Mais avant, ceux qui n'allaient pas à l'école pour apprendre à écrire apprenaient à travers les vaches. Mais il y avait un système d'éducation pareil. Bon, les enfants apprenaient ce que les parents savaient. C'était un système d'éducation, il était obligatoire. Tel père, tel fils était essentiel. On ne pouvait pas faire autrement. Plus tard, tel père, tel fils, plus un curé. Bon, c'est intéressant. Il a fallu au moins un par famille. Mais c'était des. On appelle ça l'évolution. L'éducation a toujours empêché. Prends un exemple. Un enfant qui arrive, qui vient au monde, eh bien, l'éducation, qu'est-ce qu'elle a comme fonction? Elle a comme fonction de le sortir des couches de sa mère, de le mettre dans un cadre où il va apprendre à socialiser. On appelle ça la prématernelle ou la maternelle. Hein? Mater, moment. On a un remplacement de moment. Et puis là, on lui donne des petits cubes à mettre dans des petits trous, hein? Jeu éducatif. Et puis, on le maintient dans une salle régulièrement ou dans une cour où on parque des chiens pour les élever. De toute façon, tu connais ton père a déjà aidé à élever les chiens. Les chiens étaient mieux traités que bien souvent nos enfants. Alors, de temps en temps, ils prennent l'air dehors sur le bord de la rue, là. Hein? J'ai déjà pris, tu sais, tu te promènes dans la rue, tu vois un parc d'école. Les enfants qui sont le moins intelligents là-dedans, ils sortent à l'air pendant la récréation, ils ont quoi, 15 minutes, 20 minutes de récréation? Là, on leur permet de se défouler, coordonner. Instant, coordonner, sur de l'asphalte, avec des lignes. Et puis, il y a des clôtures. La clôture, c'est pour les protéger. C'est pour pas perdre de ballon. Oui, mais une clôture, ça reste une clôture pareille. Et là, on sonne, on les place tout en rang, puis on les fait rentrer encore en ticlin à l'intérieur de l'école, parce qu'on leur inculque déjà qu'ils ne sont pas capables de vivre socialement. Et on appelle ça la socialisation. Alors, on prend les enfants, les met dans une garderie, et puis on leur donne toutes les lois de la socialisation. Tu dois être poli, tu dois ne pas faire ceci, tu dois ne pas faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Laissons pas à l'enfant le temps de le découvrir. Non, il est du bon de son enfant, c'est niaiseux. Les parents savent déjà, tous les adultes avec. Là, une fois que ça s'est fait, que l'enfant a appris à devenir une tarte, c'est-à-dire que l'enfant a appris à ne pas être autonome de par lui-même, l'enfant n'a pas le droit de dire non, puis la preuve de l'intelligence chez un humain, c'est quand il peut dire non. Hein? Quand on dit non, on est identifié. Bon, par la suite, on verra à s'ajuster, mais il faut que la première chose qu'on doit montrer à un enfant, c'est à dire non. Quand un enfant ne veut pas, bien, c'est lui qui maintenant décide. Alors, c'est génial, ça, c'est un génie. Mais quand l'enfant, tu lui dis non, tu cries plus fort que lui, il dit oui, il ne se tient pas debout pantoute, il ne se respecte même pas. Tu n'as pas ce qu'il te respecte à un moment donné. Après ça, on le met à l'école élémentaire. Effectivement, très élémentaire comme système d'éducation. Il s'assoit sur des bancs avec un paquet de monde, et puis là, on lui montre à écrire. On ne dit pas pourquoi il faut qu'il apprenne à écrire. Non, c'est pas nécessaire qu'il sache pourquoi. Nous autres, on le sait pourquoi il faut qu'il apprenne, fait qu'on va taper sur ses doigts s'il apprend pas. On lui montre des bribes de mathématiques, apprendre des tables par cœur et par poumon, hein, parce qu'à longue, à force de répéter. Et finalement, l'enfant n'a pas besoin de savoir pourquoi il faut faire ça. Non, les adultes savent. Et puis, lentement, il passe à l'école secondaire encore. Et puis là, d'adaptation, l'enfant, il est paramétré totalement. Il y a un professeur élémentaire qui lui dit tout de quoi faire. Au secondaire, bien là, il y a un paquet de profs, ils changent de classe, puis il y a 5 minutes de battement entre chaque cours. 5 minutes de battement. Moi, personnellement, j'ai battu pas mal plus fort que 5 minutes quand j'allais à l'école secondaire. Alors, c'était 15 minutes, c'était 20 minutes, je manquais des cours, je fuyais à la bibliothèque. Mais c'est tout à fait logique. Et j'ai pu constater que l'enfant qui arrive à faire l'école buissonnière ou l'école d'asphalte, comme aujourd'hui parce qu'il peut assez de buisson, l'enfant qui arrive à sécher ses cours sans jamais se faire pincer, il va devenir un premier ministre, un président, il va devenir un homme d'affaires, parce qu'il arrive à contourner tous les cadres de la société pour parvenir à ses fins. Le problème, c'est que la majorité vont se faire pincer, parce qu'il y aura juste des petites bribes, soit d'affection avec les parents, ou avec ceci ou avec cela, des culpabilités qui vont toujours les ramasser, et l'enfant, à travers cela, n'arrive pas du tout à marchander entre ce qu'il veut faire et ce qu'il est obligé de faire, ce qui fait que finalement, l'enfant devient un mésadapté social, un décrocheur, une personne qui a des problèmes psychologiques, une personne qui peut être enfermée, donc qui devient violente et agressive, de toute façon, une personne qui doit se défouler. Et il y a des murs à casser, c'est les murs de la société. Et finalement, on les place au cégep, et on sait très bien qu'au Québec, le cégep, c'est une farce qu'on a implantée à un moment donné pour empêcher les jeunes du secondaire de rentrer trop vite à l'université parce qu'on n'a pas assez de place pour les recevoir. Alors, partout sur la planète, il n'y a pas de cégep, mais ici, il y a du cégep. Alors, tu sors du secondaire, maintenant, tu végètes 2 ans de temps à niaiser, puis tu commences à l'université après. Alors, c'est très intéressant, c'est génial. Moi, j'aime ça à l'école comme ça. Ou bien non, puis à un moment donné, c'est encore mieux que ça, on avait le cours allégé. Ceux qui avaient de la difficulté à suivre, on n'intensifiait pas le travail. On notait de la matière. 100% assisté social. Mais oui, mais c'est ça le cours allégé. Alors, on appelle pas ça un système d'éducation. Mais faut faire attention. Socialement, c'est intelligent. Les assistés sociaux, en cas de guerre, c'est eux autres qui sont les premiers envoyés sur le front. Les assistés sociaux, en cas de tremblement de terre, c'est pas les médecins qui vont commencer à réparer les égouts et à ramasser les affaires dehors. Les assistés sociaux, on les paye pas pour rien. Toute grande société a besoin de main-d'œuvre d'urgence. Alors, le chômage est permis à un certain niveau, mais l'assistance sociale, c'est évident, c'est permis. Mais on ne le dit pas aux jeunes, et nécessairement. Puis le jeune qui est nouveau, il se dit, mais moi, travailler pour le gouvernement fédéral, c'est absolument génial. J'ai fait mon chèque d'assistance sociale tous les mois, puis je fais rien. La journée qu'il va avoir un problème ici, il dit, moi, qu'il va falloir qu'il fasse de quoi. Tu dis, on ne le dit pas aux jeunes, mais il n'y en a pas assez d'adultes qui comprennent. Il n'y en a pas qui comprennent. Même le gouvernement qui l'impose, je ne sais pas. Alors, comment éduquer l'enfant nouveau? Premièrement, l'enfant nouveau, bon, il faut faire attention. Si on part avec un enfant de 14-15 ans, disons, on part avec un enfant qui a 14-15 ans qui a des symptômes d'enfant nouveau. Un enfant qui est capable de comprendre que c'est stupide, vraiment. La nuance qu'il y avait souvent, c'est qu'à 9 ans, il était comme ça, mais il mangeait des volets. À 15 ans, il donne les volets. Alors, nécessairement, étant donné qu'il découvre un pouvoir plus puissant, on peut presque pas l'éduquer. Est-ce qu'il n'y avait pas une question de puberté aussi? Ben, la puberté, c'est un facteur plus ou moins secondaire au niveau de l'enfant nouveau, parce que normalement, l'enfant nouveau fait sa crise d'identification ou de majoration de son identification entre 3 et 6, 9 ans. 3 et 6 ans, 3 et 9 ans, dépendant des corps et des enfants. La crise de l'adolescence, la puberté, le problème qu'elle aura, c'est qu'étant donné que l'être humain reçoit des réincarnations 24 heures sur 24 du monde de la mort, ce qui le constitue régulièrement, et cela tout au long de sa vie, depuis la fécondation de l'ovule, le problème, c'est qu'on a déjà expliqué que lorsque l'être humain exprimait de l'émotion, il l'exprimait par son système endocrinien. Alors, lorsque quelqu'un est content, eh bien, le corps transpire, le corps vit des symptômes hormonaux, et l'individu sait qu'il vit telle émotion parce que le corps le vit. Une personne qui n'a absolument rien comme expression biologique, eh bien, on va dire, tu n'as pas d'émotion. Elle va dire, non, j'ai pas d'émotion. Elle peut être contente, mais ce ne sera pas une émotion. Là, ce qui va arriver, c'est que le système, le monde de la mort, lorsqu'il se réincarne par attraction corporelle, parce que c'est le corps physique qui choisit les personnalités qui vont se réincarner, c'est jamais l'âme qui choisit le corps. Alors, lorsque le corps agit de certaines façons, ça attire des choses. À l'adolescence, à la puberté, ce qui arrive, c'est que de la naissance à l'aller à l'adolescence, ce qui se réincarne, ce sont des mémoires expérientielles d'enfants. Parce que le corps physique n'est pas procréateur, il n'est pas sexuel. Bon, alors nécessairement, ce qui se réincarne, c'est des enfants. À l'adolescence, eh bien là, il y a le système hormonal pubertaire qui commence à fonctionner. Le corps physique de l'enfant, un gars ou fille, devient un corps d'adulte. Et nécessairement, à travers l'expression endocrinienne hormonale, ça laisse des traces bizarres dans le corps physique. Et ça commence à attirer des personnalités réincarnatives adultes. L'adolescence va voir la lutte majeure entre les personnalités réincarnatives infantiles, donc d'enfants qui habitent le corps, contre toute la possession qui est en train de se faire par les personnalités réincarnatives adultes. C'est pourquoi, normalement, dans le tourbillon de l'enfant ancien, la crise de l'adolescence qui va cumuler la mutation du corps physique, la transformation de l'appel des personnalités réincarnatives adultes plutôt qu'enfants, en plus de la majorisation de l'identification du « je » dans l'enfant, lorsque l'enfant finit par vouloir se sevrer émotivement du point de vue de ses parents, alors ça crée un tourbillon qui normalement fait en sorte qu'après la crise de l'adolescence, la puberté, l'enfant n'est pas nécessairement ce qu'il avait été avant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et l'éducation est là comme facteur avant l'adolescence, seulement la mutation du corps physique, ce qui peut empêcher différentes réincarnations de mémoire expérientielle, disons, plus mauvaise, et là on aura un résultat intéressant chez l'enfant. Mais si l'éducation infantile n'a pas été convenable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation, donc de cellularisation dans une direction particulière, ce qui va se réincarner peut engendrer un voyou, un voleur, un tueur, n'importe quel genre d'individu. L'enfant a toujours dit qu'il ne fumerait pas, mais finalement, ce qui se réincarne chez lui dehors de sa puberté, c'est des mémoires de personnes qui fumaient. L'enfant aura le goût de fumer. L'enfant a toujours été contre, il va quand même commencer à fumer. Et ce ne sera pas nécessairement pour faire comme les autres. Ça peut être la raison qu'il va supporter sa cigarette, mais ce n'est pas nécessairement la vraie raison. Il y aura aussi un appel au niveau réincarnationnel. Chez l'enfant nouveau, il va vivre son identification avant la phase de réincarnation d'adulte. Et ça va donc faire une crise de puberté, une crise d'adolescence biologique différente de ce qu'on conçoit normalement. L'enfant va avoir une crise d'adolescence où il va être beaucoup plus renfermé que ce qu'on a connu. C'est-à-dire que l'enfant connaît le jeu, il sait qui il est, et il voit en même temps une agression perpétuelle chez lui pendant la crise de l'adolescence, une agression où il ne se reconnaît pas, mais où il est conscient qu'il ne se reconnaît pas, tandis que chez l'enfant ancien, il ne le sait pas, qu'il n'est pas conscient qu'il change. En plus de l'agression de la société, le jeu qui veut se développer, eh bien là, il peut y avoir une espèce d'agressivité qui va se développer en plus par le fait qu'on vient même le manipuler dedans ses idées, dedans ses goûts, il ne veut pas ça, puis il a le goût pareil, puis il ne veut pas, puis il a le goût, puis il trouve ça stupide. Le goût, c'est la personnalité réincarnative qui décide d'aller faire telle chose. Lui, en dedans, il ne veut absolument pas. Il se rend compte qu'il n'est pas capable de s'en empêcher. Il se rend compte qu'il fait quand même la bebelle. Il trouve ça stupide au bout. Et ça crée un autre conflit qui peut être dommageable chez l'enfant nouveau, parce que finalement, de conflit en conflit. De temps en temps, un adulte apprend une chose et il est perturbé. L'enfant, lui, qui évolue, en apprend plus qu'une à la fois. Il en apprend régulièrement, toi et moi. Et c'est pourquoi la majorité vont commencer à essayer d'oublier qu'ils sont là, donc en buvant, en écoutant de la musique, en dormant, en se droguant, etc. En dansant aussi, parce qu'il y a des danses qui, énergétiquement, maganent suffisamment le corps physique, que ça terrestrifie l'enfant, ça baisse son taux vibratoire. Après ça, il ne pense plus. Alors, il va dire, là, je suis défoulé. Mais défoulé, c'est que j'ai gaspillé mon énergie. Et maintenant, je suis plus amorphe. Alors, l'adolescence de l'enfant nouveau est différente de l'adolescence de l'enfant ancien, surtout qu'il y a de la puissance dans l'enfant nouveau. Alors, on ne le manipulera pas. Et s'il devient agressif, sa puissance devient du pouvoir. Lui devient un très grand manipulateur, il devient un danger. Mais bien souvent, quand je rencontre des parents qui ont des enfants à symptômes nouveaux, il y a des enfants qui sont totalement nouveaux, mais il y a des enfants qui ont des symptômes nouveaux, c'est-à-dire qu'ils étaient nouveaux, mais on a réussi à les massacrer suffisamment. Quand je rencontre ces parents-là, bien souvent, les parents sont 100 fois pires que l'enfant. Si je rencontre l'enfant, c'est pour le monter contre ses parents. Avis à ceux qui veulent que je rencontre leurs enfants. Mais et quand je dis monter contre les parents, c'est pas de leur dire qu'il faut qu'ils attaquent le parent. C'est de leur montrer à comprendre leurs parents. Là, ils vont dire, oui, mais mon père ou ma mère, ils sont carrément imbéciles. Là, je vais leur dire, ben voyons donc, ils sont imbéciles. Pourquoi tu dis qu'ils sont imbéciles? Ben, ils sont toujours en train de chicaner pour des niaiseries. Ils sont toujours... Bon, ils m'expliquent toute l'affaire au complet. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils vont dire, c'est vrai qu'ils sont imbéciles. Maintenant, il faut que tu apprennes à comprendre qu'ils ne sont pas comme toi. Tu es plus intelligent qu'eux. Tu es différent d'eux autres. Et si je jase avec, il va dire, oui, ça, j'avais déjà remarqué, mais je pensais que c'était anormal. Là, je vais dire, oui, c'est anormal. C'est mieux. C'est anormal. C'est mieux. La normalité, ils ont tous des boutons. Tu sais, si c'est, tout le monde a le sida, c'est normal d'avoir le sida. Toi, tu ne l'as pas, tu es anormal. Mais c'est mieux. Sauf que là, avant qu'ils comprennent que anormal, c'est correct. Parce que anormal, c'est souvent naturel. Bon, c'est mieux. Alors là, quand l'enfant retourne chez lui, bien là, nécessairement, il revoit ses parents comme il les a toujours vus, mais il cesse de lutter contre ce qu'il voit. Et là, il va cesser de vouloir les éduquer. Parce qu'il va se rendre compte qu'ils ne sont pas éducables. Du côté pratique, Daniel, pour le, dans le but, de, à l'intérieur du cadre de cette conférence-ci, là, parler de l'éducation au niveau des écoles, c'est assez difficile. Je pense que ce serait plus pratique d'en parler au niveau des parents vis-à-vis de l'enfant qui, justement, comme tu décrivais tantôt, à l'âge de 14-15 ans, ressent et agit de... Un gros problème aujourd'hui au niveau de l'enfant, et c'est un gros problème, un très, très, très grand problème, c'est que la seule solution clé pour qu'un enfant transitif ou nouveau puisse traverser et aller allègrement vers des succès, c'est d'obliger l'enfant à comprendre que la société n'est pas convenable, qu'il y a possibilité de la changer. L'enfant est intelligent, il va dire « oui, mais je n'ai pas passé 30 ans à travailler, puis finalement, je vais m'en bénéficier ». Ça va de soi. Alors, il y a des moyens, il faut créer une complicité entre ces jeunes adultes-là ou ces enfants-là. Et le gros problème, encore une fois, c'est que le système scolaire est absolument pas prêt à les recevoir ni à changer. Bon, prochainement, on est en train ici au centre d'essayer de s'entourer d'une équipe multidisciplinaire pour parvenir à sensibiliser. Ça commence toujours par sensibiliser. Mais avant qu'on fasse dire à un professeur, ça fait 30 ans que tu enseignes, c'est pas parce que ça fait 30 ans que tu enseignes mal que tu enseignes bien. Bon, avant qu'une personne puisse comprendre ce genre de choses, ça va falloir sans doute attendre qu'elle prenne sa retraite. Et c'est ça qui est le gros problème, c'est que la majorité de ceux qui présentement tiennent le système pédagogique, la majorité, pas tous, il y en a évidemment qui sont très, très, très, très, très ouverts, mais ils sont ouverts, mais s'ils s'ouvrent un peu tôt, ils perdent leur emploi. Alors, donc, il faut presque attendre, encore une fois, entre 5 et 15 ans, pour que beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans le milieu et qui sont relativement anciens, donc qui ne peuvent pas comprendre, prennent leur retraite ou meurent carrément, décèdent. Et là, ça veut dire que ces jeunes-là doivent préparer immédiatement la relève. Et là, le problème, encore une fois, c'est qu'un jeune nouveau, bien souvent, ne voit pas l'intelligence de la société. C'est pourquoi prendre la relève? Moi, j'aime autant soit me suicider ou soit me pousser dans le bois puis je veux rien savoir. Travailler pour les autres, ils n'ont rien qu'à se démerder. L'enfant a raison. Par contre, c'est que plus il y aura un travail collectif intelligent qui sera fait, plus lui arrivera à un moment donné à acquérir une liberté face à la matière Et là, il pourra aussi arriver à avoir toute la matière nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Et là, réellement, il pourra éclater positivement. Alors, si on dit, bon, au niveau scolaire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Au niveau parental, qu'est-ce qu'il y a à faire? Plus souvent qu'autrement, rien. Les parents qui mettent au monde des enfants nouveaux, plus souvent qu'autrement, sont totalement anciens et ne peuvent absolument pas comprendre. Alors, il faut qu'on fasse une complicité, il faut quasiment faire une société secrète où les enfants, une fois par semaine, se réunissent à l'insu de tout le monde et vivent en attendant que les vieux meurent. T'sais? C'est quasiment ça. À moins qu'il y ait des parents qui sont compréhensifs et qui peuvent échanger avec l'enfant. C'est ce qui va arriver, mais il y aura peut-être un adulte suffisamment compréhensif pour peut-être 300 ou 400 enfants nouveaux. Et comme un enfant nouveau, disons que 2 enfants nouveaux par adulte, ça devient presque équilibré. Mais 400 par adulte, ça devient un problème. Et nécessairement, il y a un satellite ici qui travaille, le but final, c'est d'avoir une école privée pour les enfants nouveaux. Dans ce cadre-là, ça peut être extrêmement différent, c'est-à-dire que les enfants qui viendraient là apprendraient à diriger la société. C'est-à-dire qu'un enfant qui est récupéré dans cette école-là, c'est un enfant qui n'apprendra pas juste les mathématiques, il va apprendre, lui, à changer le monde. Et ça, l'enfant nouveau va aller à cette école-là, tu n'auras pas besoin de l'inviter bien souvent, mais nécessairement, il faudra qu'on lui explique certaines choses avant. Mais présentement, les solutions à amener en tant que parent, c'est évident qu'il faut qu'on apprenne à décoder c'est quoi l'enfant nouveau, qu'on apprenne à comprendre aussi qu'ils ne sont pas malades, comme bien souvent, il y a des psychologues ou des psychiatres qui vont prescrire des médicaments à des enfants nouveaux parce qu'ils sont hyperactifs. En réalité, ils ne vivent pas d'hyperactivité, ils vivent d'hyperexpressivité. Ils s'expriment trop. C'est normal, ils sont trop intelligents pour le cadre dans lequel ils sont. Nécessairement, ce qu'ils ont exprimé déborde le cadre. Ils ne sont pas hyperactifs, ils sont hyperexpressifs. Et là, nécessairement, la psychologie aujourd'hui, la psychiatrie n'est pas encore capable de voir la nuance parce qu'ils ne sont pas au courant de l'enfant nouveau et la majorité ne veulent simplement pas y croire parce que ça demande de l'adaptation. Mieux vaut adapter l'enfant que s'adapter soi-même. Et ils vont continuer à prescrire des médicaments pour calmer les enfants. Mais encore une fois, on en crée des révoltés. On va avoir prochainement un énorme bombe. Parce que tantôt, tu as mentionné justement que l'enfant a accès à un certain savoir instantané, l'enfant nouveau. Comment peux-tu enseigner quelque chose à un enfant nouveau? Comment peux-tu le diriger s'il a une partie de ça? Alors, on doit reparamétrer totalement l'éducation. Premièrement, j'expliquais dernièrement qu'il y avait 2 formes d'éducation. Il y a une éducation qui est de soutien technique, c'est une éducation de la physique, de la chimie, de la médecine, de l'éducation, de la mécanique, ces choses-là. Il y a une éducation d'adaptation, et c'est cette éducation-là qui est totalement à revoir, c'est-à-dire en réalité à presque éliminer, l'éducation où on force le jeune à s'adapter. Le jeune doit carrément mourir, il doit abdiquer totalement ce qu'il est pour devenir ce qu'on attend de lui qu'il soit. Et ça, il n'y aura pas le choix. Alors, étant donné que le système d'adaptation, le système d'éducation, que l'on retrouve surtout au niveau des règlements sociaux, des règlements scolaires, etc., ce système d'éducation, d'adaptation, il prévoit que l'enfant va être malléabilisé, qu'il va s'adapter, et donc il ne prévoit pas la nécessité d'expliquer à l'enfant pourquoi. Alors, on a l'enfant ancien qui ne fait pas une chose pour plaire à ses professeurs ou à ses parents, et on a l'enfant nouveau qui ne fait pas une chose parce qu'il sait pourquoi il ne faut pas le faire. Mais si on éduque l'enfant nouveau comme l'enfant ancien, l'enfant ancien, on lui dit « fais pas ça ». Si il dit « pourquoi », t'as rien qu'à répéter « parce que », en mettant l'énergie, correct. L'enfant nouveau, lui, ça ne fonctionnera pas. Je donne un exemple. 2 enfants dans la classe ici, là, un ancien, un nouveau. Et moi, je dis, là, vous allez me copier 1000 fois, je ne ferai plus ceci en classe. C'est très intéressant comme pédagogie. Alors, on a des très bonnes photocopies maintenant, ça l'aide un peu. Alors, on a 2 enfants, donc un ancien, un nouveau. Les 2 se lèvent debout et disent « je le fais pas ». Alors, tu vas dire, mais ils sont pareils. C'est quoi la différence entre l'enfant ancien et l'enfant nouveau? Le professeur se lève, lâche un gros sac et donne un coup de poing sur la table. L'enfant ancien se rassoit. L'enfant nouveau, il fait la même chose. C'est juste là qu'on a la différence entre l'un et l'autre. Et là, nécessairement, on va dire, c'est le plus mal élevé. Mais un instant. Le plus mal élevé, si on se réfère à la planète des singes, à un moment donné, on compte l'histoire d'un singe qui... Il y a eu une maladie qui a emporté les chiens, les chats, les animaux domestiques chez l'humain. Et l'humain a commencé à dresser les singes pour remplacer ces animaux-là. Dressant les singes, l'humain a fini par vouloir que les singes deviennent des esclaves et les servent totalement, fassent le café, fassent ceci, fassent cela. Jusqu'au jour où il y a un singe qui s'est levé et il est arrivé à dire un mot. Et le mot, ça a été « non ». Et là, ça en était fait de l'humain. Ce singe-là, il était simplement plus intelligent. Et là, les humains ont dit c'était le plus... il était mal dressé. Mais l'enfant, c'est la même chose. L'enfant nouveau, lui, c'est stupide que tu es. Bon, l'enfant, il peut comprendre que ce qu'il a fait n'est pas correct. Il n'est pas fou. Il va comprendre le système écologique. Mille fois, je ne recommencerai plus cela en classe. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas pantoute. Et là, qu'est-ce qui fait frustrer le prof? C'est que le lendemain, tu demandes des copies, l'enfant ancien te l'amène, l'enfant nouveau, il reste assis. Là, tu lui dis ta copie, il va te répondre, je ne l'ai pas faite. Là, tu lui poses pourquoi? Tu ne regardes pas. Mais voilà quelle raison. Pour plugger, hein, c'est le terme, le professeur. Le professeur va dire de savoir le directeur, il va y aller. Mais le directeur va sauter, ou le professeur, mais pas l'enfant. Le directeur, il peut lui avoir réservé une chaise, parce qu'il le voit souvent. Ils vont appeler les parents, mais bien souvent, ce sont des parents anciens, qui de toute façon se foutent royalement du système scolaire. La majorité ne vont pas voir les professeurs, ou quand ils vont voir les professeurs, c'est pour essayer de paraître bien, bien souvent, pas tout le temps, il y a des exceptions. Mais de toute manière, le parent, bien souvent, n'arrive pas à marchander avec l'enfant. Alors, encore une fois, c'est un immense, immense, immense, immense problème, c'est qu'on doit, il faut en parler, parce que c'est important que les enfants qui vont entendre parler de ce qu'ils sont, et qu'ils ont raison d'être ce qu'ils sont, mais que le problème, c'est qu'ils ne sont pas en avance sur leur temps. Ils font des précurseurs. Dans le cas d'un parent qui a la responsabilité que son enfant a à l'école, disons que qu'il a ses copies à faire à l'âge de 12-13 ans, puis que l'enfant il se tient debout face au professeur, face au directeur, après ça, ça va à la maison. Le parent, que doit-il faire? Parce que le parent, ce qu'il doit faire... Si ça vient à un point, ça peut se rendre, Daniel, au point où l'enfant fait face à être répulsé de l'école et perdre son année. Si je dois expliquer aux parents ce qu'il doit faire, de toute façon, il n'arrivera pas à tout faire. Il n'est pas suffisamment nouveau pour pouvoir tout faire. Sinon, le parent, il va nécessairement mille fois, je ne referai plus ça en classe, le parent, il va rire avec l'enfant. Il va écrire une lettre au directeur, au professeur. Essayez donc d'être un peu plus brillant, plus génial. Faites mille fois, je ne referai plus ça en classe. Mon enfant ne va pas à l'école pour apprendre ça. Ça, il peut l'apprendre n'importe où ailleurs, même d'une porcherie. Si vous trouvez que mon enfant fait des choses qui ne sont pas correctes, si vous trouvez qu'il doit être puni, je n'ai rien contre. Mais faites-lui donc copier des choses pour qu'il apprenne. Soit les mathématiques où il y a de la difficulté, soit le français pour qu'il apprenne à écrire. Mais toi, au lieu de nier, c'est vous. Bon, là, je donne ça à l'enfant, puis je dis, va leur porter ça au professeur. Puis si le professeur n'est pas content, il dira qu'il m'appelle. Puis je m'en viens immédiatement à l'école, je vais parler d'en face. L'enfant a raison. C'est évident. Bon, moi, je comprends que l'enfant a fait une bévue. À un moment donné, l'enfant a décidé qu'il lâchait un gros cri en pleine classe. Il lâche un gros cri en pleine classe. Attendez. Là, le professeur, il panique, les élèves, ça part à rire, la discipline décolle un peu. Bon, c'est évident que ce n'est pas tout à fait écologique. Si le professeur est suffisamment nouveau, ça ne le dérangera pas trop. Bon, il y a moyen d'arriver à être complice avec un enfant nouveau. Si le professeur est transitif ou simplement ancien, eh bien là, il va vouloir punir l'enfant. Mais encore là, est-ce que c'est réellement dommageable pour un jeune de décider de crier à un moment donné quand il en a besoin? Parce que toute sa vie est faite où ce qu'il ne doit pas crier alors que normalement un enfant crie, ben c'est dur à faire passer. Alors tu vas dire, on le punit comment? On ne le punit pas, mais tous les demi-heures, on fait crier peut-être. Il y a raison. C'est pas adapté, mais est-ce que notre cadre est intelligent aussi? C'est pas adapté. Le professeur a rien qu'à dire, c'est adapté, ça va être adapté, c'est simple. Très simple. Mais on va lutter contre. Parce que l'enfant a décidé de faire une chose sans autorisation. Et le professeur, bien souvent, qui a le pouvoir d'être professeur, ne peut pas le supporter. Alors, bien souvent, bon, quand un enfant nouveau vit des problèmes à l'école, la majorité des enfants nouveaux vont en vivre à l'école des problèmes. Il y a une personne hier qui nous parlait en onde et qui nous disait que sa fille, elle avait des gros problèmes à l'école. C'est absolument effarant. Et puis là, on voulait l'expulser, on voulait lui faire suivre des cours particuliers. Sauf que quand la mère, elle pratique avec chez elle, elle a des bonnes réponses. Mais à l'école, elle les a pas. Est-ce que l'enfant est arriéré? Bien, est arriéré à l'école, pas arriéré à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'école. Et elle a 6 ans. Est-ce qu'il y a un gros problème? Il n'y a pas de problème encore. Mais on s'inquiète immédiatement. Une chose qui est sûre, c'est qu'on devrait, premièrement, bannir totalement le français à l'école, bannir les mathématiques, bannir l'histoire, bannir la pastorale, ça c'est la première affaire à bannir, bannir les sciences, bannir la biologie, bannir bon, l'histoire, la géographie, on devrait bannir... Non, là, les jeunes vont dire bannir les profs. Non, allons pas jusque-là. On devrait tout bannir les choses inutiles de l'école. Hein? Et puis après ça, on devrait commencer à enseigner aux jeunes les choses utiles à l'école. Bon. Et c'est pas demain la veille. OK. Ayant banni tout ce que tu viens d'énumérer, qu'est-ce qui doit être enseigné? Voilà. Le premier stress social, c'est oui, mais qui va prendre la relève? Qui va continuer à nous donner ce pour quoi on a travaillé? Qui va accepter de mourir sa jeunesse pour nous donner ce qu'on veut dans notre vieillesse? Mais la question ne se pose pas là. Changeons le système une fois pour toutes convenablement. Hein? On va se réincarner à un moment donné, on aura la paix là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne? Eh bien, on enseigne premièrement à l'enfant l'écologie. On enseigne à l'enfant l'adaptation. On enseigne à l'enfant des choses qui vont lui permettre de muter son corps physique. Donc, nécessairement, l'enfant doit vivre des expériences initiatiques, c'est-à-dire que l'enfant doit jouer au ballon chasseur. C'est initiatique, ça. Là, l'enfant, quand il le perd, eh bien, quand l'enfant perd et que l'enfant crie, il doit immédiatement apprendre à ne pas crier. Pas parce que l'important, c'est de participer. Non, non, non, non. Simplement parce que c'est stupide d'être manipulé par un ballon. Ah, bon. Là, après ça, l'enfant doit apprendre certaines autres choses. Dans une école conventionnelle, on doit mettre des interdits. On doit dire à des jeunes, il y a cette classe-là, ici, là, on ne doit jamais aller voir ce qu'il y a dedans. Je parle d'élémentaire, là, demain, pour l'instant. Et là, la classe, on la borde. Hein? Mais de temps en temps, on la déborde. Et puis, en dedans, eh bien, il n'y a rien, avec juste un petit bureau. Et puis, dans le bureau, il y a un tiroir. Et puis, il y a une clé sur le bureau, puis le tiroir est barré à clé. Et puis, il y a un papier dedans. C'est tout. Et puis là, de temps en temps, il y a un enfant qui va oser ouvrir la porte. Ça, c'est un fonceur. Là, tu le sais, qui va être le premier homme d'affaires. Hein? Tu le sais, c'est un fonceur. Et là, il rentre, peut-être qu'il va rien jeter un œil, voir le bureau. Et que c'est bizarre. Il va sortir, il va en parler, il y en a qui ne le croiront pas, il va monter sa gang avec lui, c'est un homme d'affaires, tu vois, c'est intéressant. Et puis, à un moment donné, ils vont faire une descente dans la salle. Ils vont rentrer. Là, le bureau va être... on parle d'enfants de 5, 6, 7, 8 ans, là, c'est extrêmement initiatique. Le bureau est très, très mystique, il y a une clé, puis là, il s'est barré, puis une clé. C'est interdit, mais tu peux. Comme la société l'est bâtie, tout est interdit dans la société, mais on peut, mais c'est pas permis. Alors, s'il ouvre, il ouvre le tiroir, il y a un papier, puis ça va être écrit dessus, ou bien non, il va avoir quelque chose pour lui, un petit 5 piastres, c'est n'importe quoi. Il va gagner. Avec quelque chose qui avertit peut-être le directeur que le bureau est ouvert pour qu'un adulte intervienne pour dire aux enfants de ne pas en parler. Et là, on va voir s'ils sont capables de fermer le grand gueule, maintenant qu'ils gagnent. Et il y a plusieurs choses qu'on met. Là, on montre à l'enfant comment devenir un être humain debout. Lorsque l'enfant voudra apprendre des mathématiques, fais-moi confiance que même s'il a 15 ans, il va les apprendre des mathématiques. Lorsque l'enfant aura besoin d'apprendre à écrire, vers 8 ans, 9 ans, 10 ans, s'il est bien, bien, bien orchestré, il va savoir en tabarouette pourquoi écrire, pourquoi lire. Bon, il va le savoir. Mais on doit lui permettre de le découvrir. Quand il découvre l'intelligence d'une chose, c'est appris à jamais. Mais quand on veut le lui inculquer, hein, c'est le terme employé par la pédagogie, inculquer ça à un enfant, ça veut dire qu'on va le rentrer à coup de marteau. L'enfant va l'apprendre, mais il risque de ne pas le comprendre. Et là, on doit toujours le motiver. Et ça crée des sociétés où on doit motiver les gens régulièrement, parce que les gens, ils oublient pourquoi ils font les choses. C'est des êtres humains savants. Ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font bien des récompenses. Les chiens sont savants aussi. Mais ce n'est pas des êtres humains intelligents. Alors, donc, on reforme la structure au complet. Et là, on va dire, oui, mais les professeurs font quoi là-dedans? Ben, les professeurs font quoi là-dedans? Premièrement, ils arrivent à habiller en jean. Deuxièmement, ils ne s'appellent pas monsieur, madame ou mademoiselle. Ils s'appellent, ils ont des prénoms comme les enfants. Il faut qu'ils deviennent les amis des enfants. Et quand tu es l'ami de quelqu'un, tu peux plus facilement lui passer des petits conseils. Et là, ben, qu'est-ce qu'il fait, le professeur? Ben, il devient un initiateur. Et nécessairement, lui aussi devra apprendre à s'initier. Parce qu'à un moment donné, il y a des enfants qui vont être absolument géniaux. Alors, on a une structure qui est différente. Et là, dis simplement aux enfants, est-ce que tu vas à l'école aujourd'hui? S'il y a bien des choses, s'il y a encore quelques portes à ouvrir à l'école, on va y aller à l'école. Si on faisait un parallèle, Daniel, entre les grands initiés qu'on a eus sur la planète Terre et les enfants nouveaux, est-ce qu'il y a possibilité des enfants nouveaux dont tu viens de décrire? Ouais, ben, le grand initié ou l'initié tout court, c'est une personne qui a eu la faculté ou qui a eu la chance, premièrement, de rencontrer d'autres êtres humains nouveaux. Et il a eu la chance aussi d'accepter de vivre avec ces personnages-là. À l'époque, c'était donc limité. Et nécessairement, c'est la même chose. Chaque enfant nouveau est un potentiel à être ce que les hommes anciens appellent des maîtres. Des personnes qui se maîtrisent eux-mêmes. Pas qui maîtrisent les autres, qui sont autre chose. Ça, c'est les maîtres d'école. C'est pareil. Parce qu'infailliblement, ces initiés dont je fais référence avaient un corps physique assez solide pour prendre l'énergie et le parallèle avec l'enfant nouveau. Oui, mais un enfant nouveau, nécessairement, va faire la même chose. Par exemple, un enfant nouveau qui s'en va à l'école, puis là, la mère, elle lui dit, là, t'es bien habillé, OK? Mais il pleut dehors, puis quand tu vas venir de l'école, je veux que tu sois couvert de boue. Parce que si t'es pas couvert de boue, t'écouteras pas ton émission de télévision en soir. Là, l'enfant, il s'en va tout propre, là. Il faut qu'il vienne couvert de boîtes. C'est initiatique. Et les adultes, aujourd'hui, ils ne peuvent même plus se moucher à table devant les gens, ils s'excusent. Hein? Ils ne peuvent même pas éternuer à « excuse ». Tu leur dis « ben fais-le pas ». Ben, je ne suis pas capable de m'en empêcher, ben excuse-toi pas. C'est pas de ta faute. Les adultes, ils sortent, ils pleurent un petit peu, puis tout de suite, ils vivent plus. Alors, l'enfant qui est le moindrement pogné, l'enfant qui ne salit pas assez, tu le motives à se salir. Quand il aura appris à salir, il va être libre. Il va avoir un blocage psychologique de moins. Alors, quand on lui dit là, maintenant, il faut arriver propre, il va arriver propre. Puis la journée qu'il faut jouer, il va jouer. Il ne fera pas juste semblant. Mais c'est tout le cadre est bâti pour les professeurs. Oh, mais il rentre une boîte dans la classe, c'est pas propre. Ah, effectivement, pauvre classe. Transformons l'enfant, la classe va être propre. Et l'enfant, oui, mais lui, il est habillé avec des jeans tout déchirés, tu sais. Ah, pauvre visuel du prof. C'est vrai. Transformons l'enfant qui se met des culottes correctes. C'est tellement plus facile. C'est plein de choses comme ça. Plein. Alors, il y a des défis qui manquent totalement au niveau du système scolaire. De toute façon, les défis sont totalement empêchés. Moi, j'expliquais à une personne qui travaille ici au centre, un enfant, puis je lui ai dit, là, les produits toxiques, tu caches tout ça dans les armoires, mais de temps en temps, tu prends une boîte de taille, tu prends 3-4 chaudières, 2-3 casseroles, tu mets ça dans le bas de l'armoire, la boîte de taille, t'as vide, t'as lave. Et puis ça, c'est interdit. L'enfant a besoin de fouiller dans les casseroles. J'ai un enfant, il n'a pas de casserole, il manque de quoi dans son évolution? Il n'aimerait pas faire la cuisine, en tout cas. Alors, il a besoin de fouiller dans quelque chose. Il a besoin d'avoir des interdits. C'est l'interdit qu'on passe par-dessus, qui bâtit quelqu'un. Mais quand ce qui est interdit, comme dans nos sociétés, bien finalement, si tu dois passer par-dessus une barrière pour te développer, ça sera le vol à l'étalage, ça sera le vol tout court, ça sera sécher tes cours, ça sera des choses dans le genre. Passer sur un feu rouge, ça sera rouler plus vite que les vitesses permises ou que les vitesses intelligentes, parce que les vitesses permises, c'est pas trop intelligent. Et il y a besoin de quelque chose. Alors, comment veux-tu que l'enfant se bâtisse dans une école? Ouais. Ben, c'est ça, Daniel. Moi, je t'écoute. C'est très intéressant. Ah oui, et très plate. Je converge. Et très? Non, je dis que c'est con. Hein. J'amène la solution, elle existe dans l'avenir. Oui, c'est ça. Que je voulais en arriver, justement. Si on regarde la pollution, comme qu'il y avait en Europe, lorsque les lacs avaient plus de poissons, ils ont décidé qu'ils dépolluaient. Ça a pris 15 ans, puis ils l'ont fait. Mais ça n'empirait pas. Mais à t'écouter parler, c'est pas très encourageant. Qu'est-ce que c'est qui va se passer dans les années à venir? Ça dépend énormément de plusieurs choses. En dedans d'un an et demi, s'il y a suffisamment de jeunes et de parents et de professeurs, de pédagogues, d'éducateurs, de personnes, bref, qui sont capables de comprendre qu'effectivement, on doit se permettre une mutation sociale complètement, et bien nécessairement, tous les enfants nouveaux, les personnes nouvelles, transitives, vont cesser de souffrir, même si la société n'est pas changée, parce qu'ils auront au moins un leitmotiv, la changer. Alors, premièrement, ils auront une canalisation de leur créativité et de leur vue, autrement dit, ils auront une fonction dans la vie, autrement que d'attendre ton chèque de bien-être ou d'attendre simplement que la mort vienne te chercher. Ils auront une fonction dans la vie, et cette fonction-là, bien nécessairement, ils auront des alliés de plus en plus avec eux autres, parce que plus il y aura d'enfants qui vont naître, plus il y aura d'alliés avec eux autres, donc lentement, la société va finir par être changeable, donc changée. Mais si on dit qu'elle peut être changée dans 10 ou 15 ans, c'est pas grave, parce que du moment que l'humain va commencer à vouloir travailler côte à côte pour vouloir changer les choses, immédiatement, celui qui commence à travailler, pour lui, c'est changé, c'est déjà accompli. Il y a une raison de vivre. Tu vois-tu cette possibilité, 10, 15 ans? Je vois la possibilité que les humains puissent s'unir d'ici un an ou deux. Et nécessairement, changer en 10, 15 ans, oui. Ah, ça va commencer par des noyaux. Ah, ça va de soi. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la personne qui est écœurée de la guerre, la journée qu'elle décide de se battre pour la finir, elle vit. Mais tant qu'elle n'a rien à faire, la guerre, elle ne peut pas vivre dedans. La société, quel que soit l'enfant nouveau, quels que soient les parents, qui soient anciens, transitifs, disons transitifs ou nouveaux, pas anciens, ils ne comprendront pas, mais transitifs ou nouveaux, si on décide qu'effectivement, ce qui est amené par l'intelligence, que ça provienne de la bouche d'un enfant, de la bouche d'un adulte, doit être appliqué, bien nécessairement, ces personnes-là, s'ils arrivent à pouvoir travailler les uns avec les autres, nécessairement, ça va changer. Le problème, c'est que bien souvent, l'enfant nouveau, prenons l'exemple de l'enfant ancien. L'enfant ancien, lui, ou il décide de ne pas rien changer, ou il croit que ça va changer. pas qu'il va le changer, parce que lui, qui sait que je suis, moi, pour changer de quoi, c'est bon. Il pense que ça va changer, collectif. L'enfant nouveau, lui, il veut pas rien changer, puis il est convaincu que de toute façon, ça peut pas changer. C'est ça le gros problème. Alors, il faut arriver à lui vendre l'idée qu'on peut changer les choses, que ça peut changer. Mais là, l'enfant qui est rendu à 14, 15, 16, 17, 18 ans va dire oui, mais tu sais, on change le Québec, puis on se fait tirer des bombes nucléaires par les Russes. Il faudrait qu'on change la planète. Bon. Mais là, déjà que c'est compliqué de changer le Québec, s'il faut changer la planète. Mais ça se fait. Mais t'as encore, c'est dur à vendre. Tu as parlé beaucoup de l'enfant de 14, 15 ans, l'enfant nouveau. Mais l'enfant de 4, 5 ans, l'enfant nouveau de 4, 5 ans ou 3 ans, 2 ans et demi, crée de sérieux problèmes à des parents, même qui sont éveillés un peu. Ben, le problème, il faut faire une nuance entre éveillés et des parents qui ont appris des choses. Il y a des parents qui vont, par exemple, ont écouté des conférences que j'ai faites depuis 4 ans et qui vont dire, oui, moi, je sais qu'un enfant nouveau, c'est normal que ça fasse telle chose. Mais je ne pensais pas que ma fille, elle ferait ça. Autrement dit, je ne pensais pas que c'était vrai. Alors, je l'ai appris, j'y crois, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Alors, il y a une nuance entre éveillé et bon. Et le gros problème, surtout, c'est que dans le cadre familial, les parents essaient de s'en sortir socialement pour nier que cet enfant-là. L'école essaie de s'en sortir socialement, pas nier que ces enfants-là. Puis finalement, d'ici peu, là, au niveau des suicides, au niveau des révoltes, la société va vouloir s'en sortir, pas nier que ces enfants-là. Alors qu'en réalité, les parents ne devraient pas essayer de s'en sortir, il n'y a pas de problème. L'école, qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux? C'est leur job de penser, laisse-les penser. Les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire d'eux? C'est leur job de parler, laisse-les parler. Et l'école, si les professeurs finissent par accepter de vivre certaines choses avec leurs enfants, nécessairement, il y en a qui vont perdre leur emploi. Et il faudrait qu'ils perdent leur emploi. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura suffisamment de professeurs qui auront perdu leur emploi, et quand on passe des annonces, recherchons un professeur pour éduquer des enfants nouveaux, il y en a qui vont être libres. Mais le problème qu'il y a, c'est quand, c'est sûr qu'il faut vivre. Ça va être sûr qu'il faut vivre en attendant. Ouais. Mais on ne peut pas changer une chose en ayant peur. Si on a 3 000 professeurs dans